Bébé, un joli loqueton, danse pour moi, oui, fais-moi cadeau. Y'a personne en face, trop d'avant, j'ai un tout, ils sont restés dans mon dos. J'ai les plugs, mamie, j'ai les clés, tout ce qu'il faut, j'ai très gros réseau. Tout va bien, faut pas t'inquiéter, bébé. J'suis dans ça, tu connais. Mon garçon, la porte, si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remontée. Elle aime quand ses bras sont dans la nuise. Oh, baby, je vais t'emmener. Mon garçon, la porte, si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remonté. Fais ta belle, je viens te chercher. Pour la monnaie, faut se lever, et toi. Alors, pour ma femme, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes propres. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis, j'y pense. Je réfléchis, j'y pense. Partout, comme à la maison. J'suis prêt, comme solo béton. Pas de déchets, y'a que des leçons. Bibi veut manger maintenant. On va pour n'en pas de sang. Y'a personne qui fait semblant. Bélier, on te rend dedans. Moi si je pars, je fais. Pour la monnaie, faut se lever et toi. Pour ma femme, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes propres. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis, j'y pense. Je réfléchis, j'y pense. Pour la monnaie, faut se lever et toi. Pour ma foi, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes propres. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis, j'y pense. Je réfléchis, j'y pense. Je réfléchis, j'y pense. J'ai pas.